Il n'y a point sur la terre de fille aussi honnête, aussi sage, aussi bonne, aussi désintéressée que cette fille-là. Si la fadette a le malheur d'être mal apparentée, elle a d'autant plus de mérite à être ce qu'elle est, et je n'aurais jamais cru que des âmes chrétiennes puissent lui reprocher le malheur de sa naissance. Vous avez l'air vous-même de me faire un reproche, Landry, dit le père Barbeau. Puisque vous n'en avez ni honte ni regret, nous n'en parlerons plus. J'aviserai à ce que je dois faire pour vous prévenir d'une tourderie de jeunesse. À cette heure, vous devez retourner chez vous, maître. Vous ne vous quitterez pas comme ça, dit Sylvinet, en retenant son frère, qui commençait à s'en aller. Mon père, voici Landry qui a tant de chagrin de vous avoir déplu, qu'il ne peut rien dire. Donnez-lui son pardon et l'embrassez, car il va pleurer à nuitée, et il serait trop puni par votre mécontentement. Sylvinet pleurait, la mère Barbeau pleurait aussi, et aussi la sœur aînée. Il n'y avait que le père, Barbeau et Landry, qui eussent les yeux secs. Mais elles avaient le cœur bien gros, et on les fit s'embrasser. Landry s'en alla, courroucé et désolé, et il alla frapper à la porte de la petite fadette. Il lui raconta sa peine, et la trouva grandement soumise et courageuse. Mais, quand elle vit qu'il s'affligeait et se révoltait de plus en plus, « Écoute, Landry, lui dit-elle, peu à peu, les préventions qu'on avait contre moi s'aniront. Les vilains mensonges qu'on fait à présent tomberont de même. Ton père et ta mère verront bien que je suis sage et que je ne veux pas te débaucher ni te tirer de l'argent. Ils rendront justice à l'honnêteté de mon amitié et nous pourrons nous voir et nous parler sans nous cacher de personne. Mais, en attendant, il faut que tu obéisses à ton père qui, j'en suis certaine, va te défendre de me fréquenter. « Jamais je n'aurai ce courage-là, dit Landry. J'aimerais mieux me jeter dans la rivière. « Eh bien, si tu ne l'as pas, je l'aurai pour toi, dit la petite fadette. Je m'en irai, moi. Je quitterai le pays pour un peu de temps. Il y a déjà 2 mois qu'on m'offre une bonne place en ville. » Voilà ma grand-mère, si sourde et si âgée, qu'elle ne s'occupe presque plus de faire et de vendre ses drogues. Elle ne peut plus donner ses consultations. Elle a une parente très bonne qui lui offre de venir demeurer avec elle et qui la soignera bien, ainsi que mon pauvre Sotirio. Quand j'aurai passé 1 an ou 2 au loin et que je reviendrai avec de bons témoignages, une bonne renommée, laquelle j'acquerrai plus aisément ailleurs qu'ici, on ne nous tourmentera plus et nous serons meilleurs amis que jamais. Landry ne voulut pas écouter cette proposition-là. Il se fit que de se désespérer et s'en retourna à la priche dans un état qui aurait fait pitié au plus mauvais cœur.